un peu violette. En survette, si je veux demain j'arrête. Sur ma cuisse y'a toujours des trous de boulettes. Touché en bête ou pistolet. J'étais dehors, on m'a passé de la peu violette. En survette, si je veux demain j'arrête. Sur ma cuisse y'a toujours des trous de boulettes. J'suis pas un traître, j'reste honnête. J'veux pas qu'on retrouve mon corps dans une fourgonnette. J'ferai tout pour pas finir au baumette. J'veux pas que maman ait des larmes sur les pommettes. C'est malheureux, y'a peu de retour quand on aide. J'aimerais faire revenir ceux que j'aime mais j'ai pas le remède. J'suis au village, j'prends l'hypo fraise. J'ai des potes, ils sont chauds comme la braise. D'où j'viens en pète ou pistolet. J'étais dehors, on m'a passé de la peu violette. En survette, si je veux demain j'arrête. Sur ma cuisse y'a toujours des trous de boulettes. D'où j'viens en pète ou pistolet. J'étais dehors, on m'a passé de la peu violette. En survette, si je veux demain j'arrête. Sur ma cuisse y'a toujours des trous de boulettes. Quand j'en fais un trop, je bug des fois. J'me mets dans mon coin quand on me déçoit. J'suis toujours assumé quand il a fallu faire des choix. Toujours la mentale malgré les peines et les joies. Tu me cherches, tu peux me croiser dans le 13. Sa grand-mère à celui qui donne mon adresse. Dans le Grand Sud, on est à l'aise. Y'a des âmes, on s'en fout que tu fais le balèze. J'peux pas faire mieux, j'parle clair comme cristalline. Tu me dégoûtes comme des traites qui salient, ouais. Tu montes tes liasses, normal petit pot qui salive. D'où j'viens en pète ou pistolet. J'étais dehors, on m'a passé de la peu violette. En survette, si je veux demain j'arrête. Sur ma cuisse y'a toujours des trous de boulettes. D'où j'viens en pète ou pistolet. J'étais dehors, on m'a passé de la peu violette. En survette, si je veux demain j'arrête. Sur ma cuisse y'a toujours des trous de boulettes. Quand j'en fais un trop, je bug des fois. J'me mets dans mon coin quand on me déçoit. J'suis toujours assumé quand il a fallu faire des choix. Toujours la mentale malgré les peines et les joies. D'où j'viens en pète ou pistolet. J'étais dehors, on m'a passé de la peu violette. En survette, si je veux demain j'arrête. Sur ma cuisse y'a toujours des trous de boulettes. D'où j'viens en pète ou pistolet. J'étais dehors, on m'a passé de la peu violette. En survette, si je veux demain j'arrête. Sur ma cuisse y'a toujours des trous de boulettes.